الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أي شهر رمضان الذي ابتدأ الله فيه إنزال القرآن في ليلة القدر هداية للناس إلى الحق، فيه أوضح الدلائل على هدى الله وعلى الفارق بين الحق والباطل. فمن حضر منكم الشهر وكان صحيحا مقيما فليصم، فليصم نهاره، ويرخص للمريض والمسافر في الفطر، ثم يقضيان عدد تلك الأيام. يريد الله بكم اليسر والسهولة في شرائعه، ولا يريد بكم العسر والمشقة، ولتكملوا عدة الصيام شهرا، ولتختموا الصيام بتكبير الله في عيد الفطر، ولتعظموه على هدايته لكم، ولكي تشكروا له على ما أنعم به عليكم من الهداية والتوفيق والتيسير. أيها المسلمون، الصوم في اللغة هو مطلق الإمساك عن الشيء، وفي الشرع الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى تحقق غروب الشمس بنيته. وشروط صحته: الإسلام، والنقاء من دم الحيض والنفاس. وشروط وجوبه: البلوغ والعقل والقدرة والإقامة. وأركانه: النية والإمساك عن المفطرات. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Chers musulmans, Allah nous dit dans le Coran, dans le sens du verset: le mois de Ramadan, durant lequel le Coran a été descendu comme guidé pour les gens, et clarification de la guidée et le comme discernement. Celui parmi vous qui a atteint le mois, c'est-à-dire le mois de Ramadan, alors qu'il le jeûne, et celui qui est malade ou en voyage, et donc de ce fait n'a pas jeûné, il devra rattraper un nombre semblable de ceux qui n'ont pas jeûné. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté, et pour que vous complétiez la période, c'est-à-dire le mois de Ramadan comme jeûne, et pour que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé, et afin que vous soyez reconnaissant. Le mois de Ramadan, c'est durant ce mois qu'Allah a fait descendre le Coran durant la nuit du destin, comme guidé pour les gens vers la vérité. Il y a là-dedans la plus claire des preuves sur la guidée d'Allah est la distinction qui est faite entre le vrai et le faux. Celui qui est témoin de ce mois, celui qui vient à vivre ce mois et qui est en bonne santé et qui est résident, c'est-à-dire qui n'est pas en voyage, alors il se doit de jeûner la journée de Ramadan. Il y a permission faite pour le malade et le voyageur de ne pas jeûner, mais plus tard, ils se devront nous rattraper si d'un nombre semblable. Allah veut pour vous la facilité, la simplicité dans ses lois et règles, et ne veut pas pour vous la difficulté et la gêne. Et aussi pour que vous complétiez le jeûne durant le mois, et pour, à la fin du jeûne, vous proclamiez la grandeur d'Allah durant la fête de l'Eid, l'Eid al-Fitr, la fête de la rupture du jeûne. Et pour que vous magnifiez Allah tabaraka wa ta'ala pour vous avoir guidé et que vous soyez reconnaissant vers lui, vous le remerciez de tous les bienfaits qu'il vous a octroyés comme guidé, réussite et facilité. Le terme as-sawm en arabe veut dire l'abstinence, quelle que soit la chose pour laquelle tu t'abstiens. Et dans la législation, dans la loi musulmane, dans la religion, c'est de s'abstenir de tout ce qui annule le jeûne, depuis le lever de l'aube véridique jusqu'au coucher du soleil, avec l'intention de jeûner. Les conditions de sa validité, c'est l'islam, et pour la femme en plus, qu'elle soit propre du sang des menstrues ou des louchis. Les conditions de son obligation, c'est d'avoir atteint la puberté, d'être doté de raison, d'en avoir la capacité physique, la santé, et aussi d'être résident, de ne pas être en voyage. Les piliers du jeûne sont l'intention, d'avoir l'intention de jeûner avant d'accomplir cet acte et de s'abstenir de tout ce qui annule le jeûne. اللهم ارتنا الى دينك رده جميله اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم وفقنا اللهم لما تحبه وترضاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله